Nous vous avons parlé dans notre précédente chronique santé de la maladie infectieuse appelée spondylodysite infectieuse tuberculeuse, qui est une maladie de la colonne vertébrale. Le rhumatologue, le docteur Angélique Nyokindi, a fait savoir que cette maladie se manifeste par les signes de la tuberculose et qu'elle attaque souvent les jeunes en âge de travailler. Cette maladie infectieuse risque de finir par la paralysie des personnes atteintes si elle n'est pas bien traitée. Le docteur Nyokindi nous parle des différentes complications que peut causer la spondylodysite infectieuse tuberculeuse. Ce n'est pas une maladie chronique, c'est une maladie infectieuse. Chez quelqu'un qui a fait cette spondylodysite tuberculeuse, qui n'a pas été traitée, elle va développer un mal de pote. Il y a le rachis qui est déformé et vous allez le voir, on dirait que c'est quelqu'un qui a quelque chose dans le dos. Et l'autre complication, c'est la compression des racines nerveuses ou bien compression de la moelle et qui risque d'être responsable d'une paralysie. Le traitement de cette maladie et celui de la tuberculose sont identiques selon toujours ce rhumatologue. Le traitement, c'est le traitement habituel de la tuberculose, mais comme les os sont fragiles et qui sont bousillés par les bécas, on doit également mettre l'immobilisation, on doit immobiliser le rachis, et puis on donne les antidouleurs, bien sûr, parce qu'il y a une douleur intense, et également des antibiotiques anti-tuberculeux. Cependant, il arrive que lors du traitement de cette maladie, on fasse recours à la chirurgie, ce qui est dangereux, prévient le docteur Nyokindi. S'il y a compression, là ça veut dire que dans le traitement, on va faire appel à la chirurgie, qui va décomprimer, et si on fait la décompression très tôt, ça veut dire avant la mort des nerfs, là, il pourrait retrouver sa fonction. Mais si ça a duré plus de 72 heures, on risque de perdre totalement la fonction des nerfs. Et les chirurgiens, dès qu'on donne le traitement efficace, là où le microbe il sera écrasé. Mais les complications, c'est ça ce qu'il faut éviter. Ce médecin appelle toute personne souffrant cette maladie de ne pas faire un traitement tardif, car, explique-t-elle, il y a des complications qui ne peuvent pas retourner en arrière comme la déformation. Après la chirurgie, selon toujours Dr Nyokindi, la personne ne retrouve pas son état initial. Il y a des complications qu'on ne peut pas retourner en arrière. Surtout en ce qui concerne la déformation. On ne peut pas faire la chirurgie jusqu'à redonner la croissance normale. Le rhumatologue Angélique Nyokindi conseille les gens à éviter des injections et à faire une bonne hygiène respiratoire dans les centres de santé pour ne pas contacter les microbes, d'autant plus que c'est une maladie microbienne.